on passe devant la mairie et on part à droite. Le carnaval, c'est très bien, c'est génial. Très bien, les comtesses, les comtesses, c'est excellent. C'est excellent. C'est vraiment génial de tout ce qu'on fait ensemble. D'être tous à Dunkerque, ouais. Incroyable. Oui. Plein de touristes et plein de bonheur. Hein. Et à Nice. À Nice, c'est incroyable, Nice. Et dites les bougnoules. Surtout à Nice. Toutes les femmes du pute, toutes les femmes du pute. J'ai marché sur son cul.